Vous voyez là une dizaine de cajots, dont chacun contenait environ 6 choux blancs, qui ont servi lors de notre crue Triple Dance Party. Lors de cet événement, nous avons invité les gens à venir danser dans des petites piscines remplies de choux découpés pour piétiner le chou afin de fabriquer de la choucroute.